Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, alors que nous avons commencé maintenant. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Souvenez-vous, je voudrais tant que chacun soit concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez chacun vos problèmes. Vous connaissez chacun de vous ici, les choses qui vous ont... Ça va? Il faut que toi et moi on pose ça après, d'accord? Parce que toi également, tu as été sujet d'influence ici. D'accord? Il faut qu'on en parle. Il ne parle pas. Il ne veut pas te regarder comme ça, il parle. Parce que le nombre d'années de ta foi me dépasse. Hein? Tu as combien d'années dans la foi, là, ma chère? Je vais à l'église depuis 23 ans. Oh, c'est fort. Donc, ouais, c'est depuis 23 ans qu'elle va à. C'est pourquoi tu es venu de ma soeur. Elle va à l'église depuis 23 ans. Donc, commençons quelque part. Matthieu chapitre 4. Matthieu le chapitre 4. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Donc avant dès qu'il est ici, avant qu'on entame la prière, il faut qu'on se mette des règles. Qu'on sache ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que si on doit rentrer avant de revenir, et je crois que c'est l'option parce que beaucoup d'entre vous n'êtes pas préparés pour dormir ici. Donc, Matthieu chapitre 4, disons, entrons dans les Écritures. Matthieu chapitre 4, vous y êtes? Je vais lire à partir du verset 1. Regardez. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous y êtes? Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous y êtes? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses à condition, si tu te prosternes et m'adores. » C'est terrible. Donc, notre filiation avec Dieu, c'est-à-dire que notre décret, quand il parle de filiation, notre lien avec Dieu en tant que fils, est problématique. Satan va poser des questions à son sujet. Donc, il va tenter tous les fils. Le fait qu'il vienne tenter le fils par excellence de Dieu montre clairement comment il va procéder. Montre clairement comment il va procéder par la suite pour tous les autres fils. Les tentations, il ne lâche pas. Il multiplie et il multiplie. Et si on cède à la tentation, on est donc sous son emprise. Jésus, notre Seigneur, dans son côté, est en train de nous enseigner comment lui résister au travers de la parole. Donc, si quelqu'un a été d'une façon ou d'une autre sous l'emprise des diables, d'une façon ou d'une autre, on a succombé à ses désirs et à ses pièges. L'un de ces pièges, vraiment, qui réussit beaucoup plus, c'est l'ignorance. Maintenir les gens dans l'ignorance. Le raisonnement, c'est quand même notre tradition. On fait ça depuis des années, on a trouvé la tradition et tu es dedans. Vous saisissez ça, hein? Ce n'est pas ici le point. Je vais vous montrer maintenant que, en réalité, la confrontation des puissances à puissance n'a pas commencé maintenant. Nous voyons quand Jésus lui-même est venu dans la chair, Satan est allé le confronter. Satan est allé le confronter. La Bible nous déclare ici que c'est Satan qui a transporté Jésus-Christ sur la haute montagne, dans la haute montagne pour lui montrer le royaume de la terre. C'est ce que la Bible a dit, n'est-ce pas? C'est Satan qui l'a transporté, c'est pas Jésus qui l'a transporté. Car allons là-bas, que tu me tentes. Parce que Dieu ne tente lui-même personne. D'accord? Et ne peut être tenté par le mal. Continuons. Regardez. Jésus, verset 10, lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Vous voyez comment Jésus résiste à Satan, n'est-ce pas? Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servait. On avance. Maintenant, allons-y à partir du verset 23. Dans le même chapitre. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs, des divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. C'est-à-dire, Jésus-Christ, malgré la tentation, malgré les essais de Satan de le soumettre sous lui, c'est clair que Satan n'a pas de pouvoir sur lui. Les deux. Au-delà de cela, Jésus-Christ montre, la Bible nous montre ici que Jésus-Christ a la toute puissance pour affranchir chacun selon son cas. Jésus, notre Seigneur, a la toute puissance pour soulager et délivrer effectivement, totalement, toute personne qui est sous ses emprises. C'est ce que le verset 23 nous révèle. Qu'après la tentation, après avoir assujetti Satan et dépouillé de toutes ses gloires à la croix, toute autorité, toute puissance sont soumises entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Vous saisissez? Amen. Ok. Vous comprenez, frère? Amen. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ce Seigneur, donc Jésus-Christ, a exercé ce ministère sur la terre. En quittant la scène, il n'a pas dit que c'est terminé. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je reviendrai à vous. Il a même dit, je serai même en. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Jusqu'à la fin du monde. Le monde s'est arrêté. Il est avec nous. Pas vrai? Il y a un consolateur qui est avec nous. Qui est en nous. On l'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, c'est la nature même de Dieu. C'est la personne de Dieu. Comme il est saint, les esprits impurs ne peuvent pas le côtoyer et rester neutres. Alors, si le Saint-Esprit entre en action, l'œuvre du scellement, c'est lui qui le fait. Le Saint-Esprit veut faire la chose, parachever la chose, c'est-à-dire amener l'épouse à maturité pour la présenter à Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit maintenant. Jusqu'à l'œuvre de la rédemption. Quand il est revenu sous forme de l'Esprit maintenant, c'est l'œuvre de l'achèvement, la perfection, pour mettre le cachet. D'accord, maman Elsa? C'est ça. Dormez bien. Alors, quand le Seigneur quitte la scène, donc, il déverse la puissance du Saint-Esprit sur l'Église. Allons au chapitre 3 voir d'abord la manifestation de l'Église et voir ce qu'il en est. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ agit aujourd'hui encore comme il a agi jadis? Vous êtes d'accord? Actes des Apôtres, chapitre 3. Frère, si tu n'as pas de Bible, mais dans ta maladie, il y a les dossiers pour la diplomatie. Hein, frère Christian? Il y a des sources pour l'argent, mais il n'a pas la Bible avec lui. Ou bien le frère Christian dit qu'il y a la Bible dans le cœur. Donc, comme ton mari n'est pas là, donc, on lui donne cela. Merci, sœur. Donc, elle a dit que fais quoi pour que tu vas lire. Et voilà. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. On y va. On doit aider quelqu'un. Pourquoi on fait vite, on dépose les Bibles et on commence la prière. Aider quelqu'un. Si quelqu'un ne sait pas ouvrir, là où il y a Actes des Apôtres, on ouvre rapidement. Pierre et Jean montaient à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Vous avez vu les authentiques serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? C'est la marque là-bas. L'apôtre Pierre, le Saint-Esprit les a conduits au temple à partir de 15h à l'heure de prière, parce qu'il savait très bien que c'était l'heure. Dieu fait les miracles pour attirer toujours l'attention. C'était l'heure où ils pouvaient captiver beaucoup de gens. Parce que c'est aux heures de prière, c'est un peu comme chez les musulmans, où à vendredi à 13h, vous allez au mosquée, vous allez le trouver. Alors il y a un paralytique là-bas que Dieu n'a pas guéri pour attirer l'attention. Ils le connaissent depuis. Si vous lisez jusqu'au chapitre 4, on dit qu'il était presque 40, il avait presque 40 ans. Donc ça fait 40 ans que quelqu'un est dans la souffrance comme ça. Vous pensez que Dieu ne le voit pas depuis? Vous pensez depuis 23 ans que comme notre maman est dans cette souffrance, vous pensez que Dieu ne voit pas? Mais Dieu... Le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, agit en son temps. Il agit en son temps. Pas les choses qu'on commande que venez, il y aura les miracles. À moins qu'il t'a montré que vas-tu accomplir telle œuvre. S'il t'a montré. On ne commande pas les miracles que venez, vous avez n'importe qui venez, pour qu'après les gens viennent, sont déçus. On est déçus, on dit que Dieu ne guérit plus. Dieu guérit effectivement, mais il guérit en son temps. Il délivre effectivement, il délivre en son temps. C'est-à-dire que chacun pour sa part. L'œuvre de la délivrance totale a été achevée. Il a sauvé effectivement le groupe qu'il devait sauver, mais la réalité, ce n'est pas ça aujourd'hui. Il faut annoncer avant que le groupe entre pour expérimenter ce qu'il a donné. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, écoutez très attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri. Au chapitre 1 de cet acte des apôtres, il va dire, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, point de témoignage sans la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la parole de la Bible doit être prêchée accompagnée de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu confirme la parole. Dieu doit confirmer sa parole, pas vrai? Maintenant, ses serviteurs à lui ont reçu ce baptême du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous sommes au chapitre 3, ils sont montés au temple. Ils montent au temple, ils voient ces paralytiques, ils regardent nous. La Bible déclare fixant les regards sur lui et ils pensaient recevoir de l'homme. Vous savez, on dit que la condition spirituelle qu'il a n'était pas changée. C'était comme si c'était un être humain qui parlait à un être humain. Mais la voix regarde nous, c'était le Saint-Esprit. Vous saisissez ça? C'est le Saint-Esprit. Regarde-nous. Quand il a regardé, c'était à la chair. La Bible déclare que espérant recevoir de quelque chose. Vous saisissez? Espérant recevoir de quelque chose. Il croyait que c'était l'argent. Si on lui donnait l'argent, ça ne suffirait pas parce que depuis plus de 40 ans, il fait la même chose. Sa condition n'a pas changé. Dieu veut amener quelqu'un au niveau de là où il attend effectivement. C'est-à-dire la délivrance, la vraie, la totale. D'accord? Maintenant, regardez la réaction de la foule lorsqu'ils ont vu ce monsieur qui était avec lui. Parce qu'il ne quittait plus le temps, il était là-bas, il louait Dieu. Il louait Dieu. Alors, vous voyez très bien qu'il n'a pas écouté le cantique de Gaël pour commencer à chanter. C'est Dieu qui suscite les louanges dans son cœur. Parce qu'il lui monte, il descend, il va chanter. Il connaît ce qui s'est passé en lui. Vous montez, vous descendez, vous dites n'importe quoi. De toute façon, plusieurs fois jusqu'à guérir les gens dans la Bible, dans ces chapitres, Jean chapitre 9, comme j'ai parlé aujourd'hui. On a demandé que c'est. On a même appelé les parents pour dire que tu es sûr que c'est ton enfant ou tu n'as pas confondu l'enfant. Ils ont vu que la Bible déclare que sachant qu'on va les exclure, ils ont dit qu'il a de l'âge, interrogé lui-même, puis lui parle de son propre son cas. Après, quand on a demandé à ce monsieur-là, il a dit que ça fait là deux fois qu'on m'a interrogé, c'est quoi votre problème? Vous voulez interroger ses disciples? Il dit, j'étais aveugle, je vois. Vous ne pouvez pas comprendre quoi? Il dit, va là-bas. Tu es né tout dans le péché, venez apprendre la Bible. Tu connais la Bible même plus que qui? Il dit, de toute façon, c'est votre problème. Si vous ne croyez pas, qu'il soit bandit, gouverneur, n'importe quoi, c'est votre. Tout ce que je sais, c'est que j'étais avec lui. Et voici, je vois. Point final. Donc, le reste là, c'est votre problème avec lui. Si vous avez le problème avec lui, allez régler votre problème. Amen. C'est pour dire, le témoignage est à l'intérieur de lui. Quand tu es libre, tu sais que tu es libre. Comme tous ceux qui sont ici qui ont été libérés, vous savez. Mais ceux qui ont des problèmes, vous savez également que vous avez des problèmes. Parce que quand il va libérer, vous savez qu'il vous a libéré. Vous savez. D'accord? Alors maintenant, regardez l'attitude dont, quand les êtres humains accourent, les autres êtres humains voyant ce qui est arrivé, c'est ici donc que beaucoup de serviteurs commencent à avoir des problèmes avec le Seigneur. détourner l'attention des gens qui fixent les regards sur toi pour les amener vers le Seigneur Jésus. C'est la mission. Pierre ne pouvait pas leur parler sans qu'il, pour leur amener à comprendre que ce n'est pas eux qui sont en train de faire. Il dit, ce n'est pas par notre propre puissance, par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme que vous voyez et connaissez. Après, il va se tourner maintenant pour vous dire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est ça. C'est la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Donc, Pierre, Jean ont été des canaux par lesquels le Seigneur a continué son œuvre sur la terre. On est d'accord? Alors, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là, que la faculté, notre corps, si vous voulez vous danser Romains au chapitre 6, lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, au verset 12 à suivant, il dit clairement ceci. Autrefois, vous avez livré vos membres comme des instruments d'iniquité pour arriver à la mort, n'est-ce pas? Maintenant, livrez vos membres comme les instruments de justice pour arriver à la sainteté. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, lorsque tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, il est capable d'utiliser sa faculté, ta faculté, pour faire n'importe quoi qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, vous pouvez croire vraiment qu'il est au milieu de nous aujourd'hui. Il est au milieu de nous. Vous pouvez croire que le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, ressuscité à la croix, que son esprit est en train de marcher au milieu de nous là maintenant. Vous pouvez croire ça, frère? Je recommence encore. Ne dites pas Amen par héritage babylonien. J'ai dit, quand je dis pas croire, je ne sais pas vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut que ça sorte d'ici. Est-ce que vous savez qu'en dehors de nous ici, quelqu'un, un être se tient au milieu de nous? Actes chapitre 14. On va s'arrêter là dans ce Actes chapitre 14. On va faire place donc à notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, frère, ma prière, sœur, c'est que Dieu vous rende visite. Que votre vie spirituelle avec lui soit totalement connectée pour toujours. C'est-à-dire que vous ne soyez plus ballottés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire qu'il y ait une intimité, une connexion permanente avec vous, chacun de nous ici, au sorti d'ici. D'accord, frère? Mm-hmm. Actes des Apôtres, chapitre 14. Si vous avez lu la Bible, ce qui pouvait dire pour ça, il en parle comme ça. D'accord? Actes, chapitre 14. On y va? Ok, je vais lire à partir du verset 8. Actes chapitre 14, à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Dieu montre seulement des choses ici pour montrer clairement l'impossibilité sur le plan humain. C'est des choses que sur le plan humain, on ne peut pas réaliser. Mais souvenez-vous, tout est possible au Seigneur. Et alors maintenant, si tout est possible à lui, il a aussi rétorqué que tout est possible aussi à ceux qui croient. C'est la seule façon. La seule monnaie que notre Seigneur veut qu'on vienne à lui pour acheter quelque chose, la foi. Maintenant, cette foi également ne vient pas de toi, il faut qu'il accorde la grâce. La Bible déclare, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Vous entendez ça? Imaginez comment cette famille a été pénible avec eux. Les gens qui accouchent des enfants, les enfants ont des paralysies. Vous essayez comme vous pouvez, essayez de redresser le pied comme vous voulez. Mais Dieu a un but pour lequel l'enfant là naît. Si on pouvait seulement comprendre que n'importe quoi que nous arrive, on dit Seigneur, je me tourne vers toi, je te l'abandonne. Et on laisse que le temps de Dieu accomplisse cette œuvre-là. C'est ça qui fait que les gens, vous entendez, les gens sont allés de marabout à marabout. Les gens vont dépenser des centaines de millions comme ça pour voyager, pour aller en Europe, pour voir un expert. Alors qu'il y a le véritable expert, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut totalement rétablir. La seule chose qu'il veut, il ne veut pas des millions. Il veut qu'on croit en lui. Crois. Donc quelqu'un est capable de dépenser 3 millions au lieu de simplement accepter. De croire en lui. Vous savez, c'est frère. Ok, maintenant, il dit, verset 9. Donc, on dit donc que cet homme-là était paralytique, impotent des pieds, et il était paralytique. Il n'avait jamais marché. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait un premier pas. Alors, verset 9 dit, il écoutait parler Paul. Écoutez ça, frère. J'ai pris d'abord deux autres apôtres, Jean et Pierre. Ici, j'ai pris Paul. Il écoutait parler Paul. Ah, c'est merveilleux. Il écoutait parler Paul. Arrête ça. Il écoutait parler Paul. Donc, Paul était en train de parler. Paul était en train de parler. Vous comprenez ce que je viens de dire? Paul était en train de parler. Regardez ce qui est écrit, frère, verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je vous dis, il y a des versets bibliques qui me dépassent. Mais à moins que vous ne travaillez dans ce domaine-ci, vous ne pouvez pas saisir ce que la Bible est en train de dire. Il faut que vous ayez expérimenté ces genres de versets pour comprendre ce que la Bible est en train de dire par fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ici, on ne parle pas du Seigneur Jésus, parce que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ se tourne vers quelqu'un et dit, qui m'a touché? Vous dites, ça c'est Dieu. Absolument, c'est Dieu. Mais ici, c'est un être humain, frère, comme toi et moi. La Bible dit qu'il a, il a envie de prêcher. Il parle. L'homme est assis là au milieu de la foule. Après, c'est tourné vers lui. Vous pensez que qui l'a regardé? La Bible déclare que, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, regardez ce qu'il va déclarer. Verset 10, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. L'être humain n'a pas la capacité de faire cela, comme l'apôtre Pierre dit dans le chapitre 3. L'être humain n'a pas de capacité. Il faut savoir que Dieu est au milieu. Alors, c'est l'apôtre Paul qui a fait ceci. L'apôtre Pierre dit là-bas. La Bible déclare que Paul est en train de parler. Remarquez très bien que les miracles et les prodiges authentiques dans la Bible n'étaient pas d'abord meublés par des cantiques, des louanges et d'adoration pour mettre les gens dans le conditionnement de recevoir. Pour que vous me compreniez. Il dit, si vous lisez la Bible comme moi et que vous lisez de la bonne manière, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de piano pour préparer l'âme de quelqu'un à recevoir. Vous me suivez? Il n'y a pas de musique douce à chanter d'abord pour que quelqu'un soit conditionné. Si Dieu veut agir, il agit. Que non, quand on a chanté, non, la solution, mon corps avait la chair de poule. Même le bouillon se chante, on a la chair de poule. L'apôtre Paul est en train de parler. Après, il s'est tourné vers quelqu'un. Quand il est en train de parler, il s'est tourné vers quelqu'un. La Bible déclare qu'il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Comment la personne a la foi pour être guéri à cet instant? Comment l'apôtre Paul a vu qu'il a dit qu'à cet instant, s'il va être guéri? Comment il prononce la parole, la personne marche. C'est la personne qui a prononcé que la terre soit et la terre avait été. C'est cette personne qui a dû parler. Je recommence encore. Vous allez remarquer la même similitude avec la guérison de Actes chapitre 3 ici. Si vous continuez votre lecture, comme vous avez votre Bible, vous continuez votre lecture, vous allez remarquer très bien que quand il s'est levé, la foule a encore accouru, n'est-ce pas? Maintenant, comme c'est en Lystre, les Lycaoniens vont entendre, ça va commencer. Chacun va, la Bible déclare qu'ils ont allé chercher le taureau, ils ont dit que non, l'apôtre Paul c'est Zeus, l'autre là-bas c'est vous voyez, n'est-ce pas? Donc l'autre parce que c'est l'apôtre Paul qui portait la parole. Donc, Jupiter, le dieu qui servait là-bas, ils ont dit que des dieux sous forme humaine, que les voilà. Donc c'est eux qu'on adore depuis. L'apôtre Paul a déchiré ses vêtements. Après il a dit quoi? Nous sommes des hommes de la même nature que vous et nous vous annonçons la voie du salut. N'est-ce pas, chers frères? Vous avez encore remarqué une fois de plus le rôle de serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui le miracle, ce n'est pas lui l'auteur des miracles. Ce n'est pas lui l'auteur des miracles. Donc aucune gloire ne peut lui être donnée. Parce que dans ce cas, si tu as de mal un jour, Dieu te dit que lève-toi, prends cette eau, tu bois. C'est que tu vas dire que l'eau, je te rends grâce. Vous avez commencé à vous dire que l'eau est mon serviteur, hein, que l'eau est le pasteur, l'eau est le pasteur anciennée. Donc faisons attention que ce qui est sur l'esprit, l'esprit qui est sur la population qui était devant l'apôtre Pierre, ne soit pas sur vous, n'est-ce pas? Que l'esprit qui était dans les Lycaoniens qui sont venus pour faire des sacrifices, quand l'apôtre Paul et autres, on dit qu'on ne veut pas de sacrifices, on dit que si vous n'êtes pas de Dieu et descendez dans la tête humaine, là, on te tape une fois, on vous tue. Il était prêt à sacrifier à le taureau, à offrir le sacrifice à Paul et à Barnabas. Quand ils ont refusé qu'on ne veut pas cela, ils ont dit non, on va te tuer. C'est pour vous taper maintenant cette fois-ci. Vous comprenez l'être humain, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu était en train de faire en Lystre? Dieu était descendu en Lystre pour faire exactement ce qu'il a à faire. Et cela a plié les cœurs qu'il avait pliés, devait plier de son côté. Trois choses donc. Jésus n'a pas pris de vacances. Il est toujours au milieu de son peuple, selon qu'il a promis dans Acte, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, que je serai avec vous tous les jours. Pas vrai? Deuxième chose. L'église marche dans la victoire. Et la victoire, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas? Troisième chose. Il ne faut pas qu'on quitte celui qui opère les miracles pour aller au niveau de celui qui, au travers de qui il opère. Vous avez compris? Donc, le regard, ce n'est pas sur la personne qui a opéré le miracle, sur la personne par qui Dieu passe pour le faire. Le regard doit être sur le Seigneur Jésus-Christ à chaque instant. Donc, lorsqu'on prie, le regard c'est sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas sur une personne. On est d'accord, bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous avez saisi. Jésus-Christ nous a donné la victoire. La victoire et tout ce qu'on peut avoir, c'est en son nom. La foi en son nom amène tout cela à l'existence. La deuxième chose, souvenez-vous de ceci. L'Église marche dans la victoire. Jésus-Christ a triomphé, le même esprit l'a encore aujourd'hui. N'oublions pas que Dieu doit être Dieu et l'homme est l'homme. D'accord? Mais vous dormez comme ça va vous laisser aujourd'hui là. On peut prier maintenant. Fermons la Bible. Les Lycaoniens, quand la guérison est venue pour le paralytique qui était là-bas, c'était pour lui. Quand l'apôtre Pierre et Jean entrent dans le temple, ils sont arrivés à ces paralytiques qui étaient à la belle porte. La moitié des gens qui partaient dans le temple adoraient Dieu, c'est eux qui ont commencé à persécuter la personne qui a même guéri là-dedans. Chacun pour soi. Chacun pour soi. La Bible déclare que Jésus-Christ passait sa route de Jéricho pour monter à Jérusalem. Il y avait des aveugles qui étaient là-bas. Chaque jour, ils étaient là-bas. Un jour, Yahushua passait au milieu d'eux. Le moment était arrivé pour eux. Ils passaient. Les aveugles entendent la foule. Ils entendent la foule, ils n'entendent pas Pangalan dans l'assiette. Mais qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Comment les gens passent ici encore aujourd'hui? Pangalan, chacun, personne. On tend l'assiette, personne ne nous met l'assiette, quoi, l'argent dedans. Et qu'est-ce qu'il y a-t-il? C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Jésus de qui? Le prophète de Galilée. Il est venu jusqu'ici à moi. Je n'ai pas de transport pour y aller. Écoutez bien ceci. Je n'ai pas de transport pour aller en Galilée. S'il fallait payer pour voir, je n'ai personne. Et personne ne peut se sacrifier son temps pour m'entraîner là-bas, pour qu'il ne puisse pas le contacter. Donc il a quitté Galilée pour venir passer jusqu'à moi. Je ne peux pas le laisser passer ici. Pièce d'argent ou pas. Aveugle ou pas, je mets ça des. Fils de David, aie pitié de moi. C'est pas l'argent qui demandait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pauvre type, on t'a dit qu'ils vont comme ça pour les gens comme toi. Je suis en train de parler de l'histoire dans la Bible là. Non. S'il passe ici, il passe pour longtemps. Il part chez les gens comme les Hérodes comme ça là. Les gens comme les Pilates comme ça, les gens comme ça. Tu es un lépreux. Tu peux penser que c'est à quelqu'un comme ça comme que Jésus passe. Jésus-Christ continue son chemin. Fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, qu'est-ce qui a crié dans les oreilles déjà? Il est midi. Vous comprenez ce que j'en ai expliqué? Qu'est-ce qui a crié dans les oreilles déjà? Il est midi. Fils de David! Lorsque quelqu'un met obstacle, n'écrit plus dans nos oreilles, la Bible déclare qu'il crie encore davantage. Parce qu'il savait que c'était son problème. Quand celui-là voit pour aller pisser, lui ne voit pas. Donc il ne peut pas lui prêter ses yeux. Donc il a intérêt à voir ses propres. Dieu, donc si il te fait le Dieu, ça te dira, quitte de mon côté, c'est à toi de t'aider, c'est pas à moi. Parce qu'il avait une situation à résoudre, à découdre avec le Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible déclare que Jésus-Christ, il a entendu, il a dit que, appelle, appelle-le de venir. Les mêmes personnes qui le persécutent ont dit que non, prends courage, il t'appelle. Hé, hey! Prends courage, il t'appelle. Il dit, le maître t'appelle, il appelle. Que veux-tu que je fasse pour toi? S'il demandait que je veux que dans mon plan maintenant, 800 millions de dollars tombent jusqu'à ce qu'il soit plus que Pilate, ça tomberait là, automatiquement, parce qu'il a dit que veux-tu que je fasse pour toi? Le gars voulait quitter la chemise des pauvres, d'aveugles et des demandeurs du monde. Il a dit que je veux voir. Parce qu'à partir de ce qu'il voit, il peut aller au champ, il peut aller me débrouiller. Pas vrai? C'est une chose terrible d'être aveugle. Bien plus encore, d'être aveugle spirituellement et ne pas voir Dieu à l'œuvre. C'est encore plus grave. L'autre société la plus grave plus que vous bâtiment. Donc c'est mieux que tes yeux soient fermés et que tu connais la réalité que la personne qui passe, c'est fils de David. Je vous le dis. Que de marcher avec lui comme ça. C'est comment? C'est quoi? Je l'ai accompagné jusqu'en Galilée, on a marché ensemble. Comment il fait que le type s'y voit? Toi tu es aveugle. Il dit c'est mieux d'être comme bâtiment et voir avec l'œil spirituel que ici c'est mon temps. Je ne peux pas le laisser passer comme ça. Ah, souvenez-vous, il était Galilée pour se voir à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Qu'est-ce que je veux dire tout simplement? Je veux dire que s'il fallait voyager pour aller au ciel pour le contacter, on aurait des problèmes. On est d'accord? Lui, il a promis que je suis au milieu de vous quand vous réunissez. Je recommence encore pour vous comprendre qu'il est question. Il a promis que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vrai ou faux? Vrai. Donc, il savait très bien que pour que quelqu'un puisse aller le chercher quelque part, ça serait difficile pour lui. Comme Bartimée ne pouvait pas voyager pour aller le trouver en Galilée. Il ne pouvait pas. Parce qu'il n'a pas de moyens. Sinon, il ne demandait pas les 500 francs là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, Jésus-Christ a dû venir vers lui. Et il se trouve au milieu de nous là maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire, frère? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il puisse nous comprendre? Donc, bien aimé, devant nous, on va prier. Tu sais que tu as des problèmes. Souvenez-vous du troisième point. Je veux vraiment, vraiment que, pendant que vous allez prier, que le troisième point soit dans votre esprit. Que le regard, c'est sur le chef et le consommateur de notre foi. Donc, c'est à lui que vous regardez là maintenant. Il se trouve là. Donc, frère bien-aimé, il a dit qu'il est au milieu de nous par son esprit. Vous connaissez vos problèmes. Vous connaissez ce que vous traversez. Parlez-lui. Souvenez-vous, quels que soient les problèmes, quels que soient les problèmes que vous avez traversés, ne vous inquiétez pas. Vous priez, vous démarrez, si le carburant finit dans 2 minutes, vous allez prier. Vous allez sauf que prier. Souvenez-vous, on n'a pas d'heure d'arrêt. Donc, si 23 ans nous trouve ici en train de prier, vous allez prier. Quand vous êtes debout là, vous allez sauf que prier. On est venu prier. On est venu prier. On va prier maintenant. Donc, combien de temps ça va durer? C'est entre ces mêmes maintenant. Donc, une fois de plus, priez, regardez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez à lui. C'est lui le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui l'auteur de notre salut. C'est lui le souverain sacrificateur, le grand pasteur de nos âmes. C'est lui qui veille sur nous, pas vrai? C'est son sang qui parle encore, jusqu'aujourd'hui, en notre faveur, plus que le sang d'Abel. Quelle que soit la condamnation, quelle que soit la médiocrité qu'on peut vous taxer, Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. S'il est au milieu de son peuple, il est là pour un but précis. Souvenez-vous, l'apôtre Paul était là, d'autres personnes pouvaient le tuer, mais le paralytique a eu exactement ce qu'il était là-bas. Dieu était présent, il a guéri celui-là, on a voulu tuer ce même Dieu-là, il est parti. Quelle est votre situation que vous traversez? Quel est votre problème? C'est le moment, parlez-lui. Donc, demandez maintenant. Souvenez-vous que Dieu a dit, je vous ai donné autorité, n'est-ce pas? Je vous ai donné le pouvoir sur les esprits. Il a dit ça? Amen. Voilà. Souvenez-vous encore de ce que je vous ai dit. Vous n'avez aucun pouvoir de chasser Satan. On est d'accord? Vous n'avez pas de pouvoir de commander à un démon d'aller en enfer. On n'a pas ce pouvoir-là, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun pouvoir de commander le démon d'aller dans les lieux arides. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Il n'y a pas d'ordonnance biblique pour cela. La Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. En mon nom, vous chasserez les. Donc, ton rôle, c'est de. Voilà. C'est ce que Dieu dit. Quel que soit donc ton problème, que ce soit causé par les démons, que ce soit causé par n'importe quoi, c'est entre toi maintenant et le Seigneur Jésus-Christ que je vous ai présenté. D'accord? Amen. Voilà alors. Ouvre ta bouche et prie donc le Seigneur Jésus-Christ. Prie. Vous avez autorité. Vous avez autorité. Commandez à tout esprit qui est l'auteur des situations que vous avez traversées ou que vous traversez actuellement. Commandez à cet esprit que maintenant que vous soyez libre, tu ne veux plus de problème avec cet esprit. Au nom de Jésus, priez. J'ai dit priez. Priez. Priez. C'est le moment. Jésus-Christ est vivant. Le Sauveur est vivant. Thank you. Let's go! Tu vas partir. Maintenant les liens sont coupés. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en. Les liens sont coupés. Ils sont coupés à toi. Allez, va-t'en. Laissez-la libre. mort aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, on n'est pas pour les morts. Hey, tous. Oui, tous, sortez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, sortez maintenant. Oui, tous maintenant. Hey, tous maintenant. Jusqu'à la racine, sortez, nous vous délogeons tous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sortez tous, libérez, au nom de Jésus, lâchez-la entièrement, sortez, tous, lâchez tous, au nom de Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute emprise démoniaque, nous la brisons aujourd'hui dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons ta chute dans ce corps. Au nom de Jésus. Lâchez. Lâchez. Lâchez. Lâchez. Sors, lâche la malice au nom de Jésus. Libère, libère au nom du Seigneur Jésus. Libère, libère, libère, libère, libère, libère ce corps, libère ce corps, libère ce nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit impur, sort, comment esprit impur, sort, sort entièrement, sort, esprit impur, je te l'ordonne, au nom de Jésus Christ. Sortez tous, sortez tous, maintenant, sortez tous, sortez tous, sortez tous, sortez tous, sortez tous, au nom de Jésus, lâchez-la, lâchez-la, lâchez-la, lâchez-la, lâchez-la, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sors, sors maintenant, sors, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors, sors de ce corps, sors de ce corps entièrement, entièrement. Nous proclamons ta chute, ta chute, ta chute, ta chute, ta chute, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons ta chute. Ta chute. Ta chute totale. Ta chute totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Oh, sors. Hey, sors. Sors maintenant. Sortez, libérez, libérez, libérez, libérez entièrement. Libérez. Libérez maintenant. Sortez tous. Sortez. Sortez. Jésus Christ a vaincu. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Tu veux pas. papa, va te la tromper partout. Dis la vérité, s'il te plaît. Va te la tromper partout, tu ne l'aimes pas. Dis la vérité, tout le monde. Ça va, c'est ça. Ça va. Ça va. C'est moi la diva. Non, ça ne résiste pas ici. C'est le format qui est sorti de cette ça n'arrive pas ici, ça n'arrive pas ici. Ça a fini d'enregistrer. C'est que celle-ci a l'air pleine. C'est qui l'a dit? Tu connais là où il va venir. Tant que le droit se lance. Maintenant, je te demande de libérer ce corps au nom de Jésus. Je te libère. C'est la casquette. Je libère. Appelle les placards. Même mon poids, tu vas donner là. Même mon pain, je ne sais pas. Je ne sais pas. Prends tout ce qui est à toi, libère là, au nom de Jésus. Je ne sais pas. Mais même ça, ce n'est pas avec. Je te demande de partir. Je te dis que je pars. Ça va de partir. Ça va de partir. Sors, allez tout, prends tout ce qui est à toi, tu sors. Oui, sors. Au nom de Jésus. Oui, je sais ce que je dis à toi, laisse-moi partir. Je ne vais pas te laisser garder tant que tu ne sors pas. Au nom de Jésus, sors. Je demande de partir. Pas. Libère-la. Sors au nom de Jésus. Passez là, serre là. Voilà, serrez là tes bras. Arrêtez ça, c'est pas la blague. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas la blague. Maintenant, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Non, non, lâche-la. Lâche-la. Arrête-la seulement. Arrête-la. Arrête-la. Serre-la bien. Serre-la. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as appelé Damaris, maintenant Damaris c'est ta femme. Damaris c'est ta femme, c'est ta femme, pas vrai? C'est vrai. Dis Damaris, reviens à moi, je t'aime. C'est Damaris, reviens à moi, je t'aime. C'est ta partie. Tu appelles Damaris. Souvenez-vous de la personne, vous avez dit qu'il est aussi brûlé. Souvenez-vous bien. Souvenez-vous de celui qui dérive de la puissance des ténèbres et parfois les gens dans la lumière. Souvenez-vous bien de celui-là qui est brûlé de nous. Souvenez-vous de celui qui a fait toute cette œuvre-là. Souvenez-vous de lui. Ne blâmez pas. D'accord. Donc pas de bruit d'enfant. Si les enfants pleurent, vous amenez les enfants dehors. Maman Anna, donc pas de bruit, d'accord? Voilà, merci. Donc, votre attention. Je suis allé me dire, nous sommes en train de toucher des problèmes cruciaux qui se trouvent dans le milieu de l'église. Et nous sommes en train de vivre comme ça, un des témoignages, pas vrai? Nous avons écrit sur des paroles, nous parlions de cette soeur-ci, disant qu'elle est réunie. Je dis quoi? Les frères, il y a des frères, vous étiez dans la même dimension que le frère Constant. Comment c'est? Ferrand, c'est ça? Avec certains d'entre vous ici. Donc, toute personne qui soit passée dans cette dénomination, particulièrement les femmes qui ont participé à la prière pour que les gens reçoivent l'onction ou le Saint-Esprit, sachez que vous allez recevoir l'Esprit. C'est l'Esprit que vous avez vu manifester. Donc, c'est ce que je me tue donc à expliquer aux gens que c'est ça qui se manifeste. La parole en des langues différentes, de ces choses-là. On dit que c'est les langues, vous appelez les langues des anges. C'est ça. Donc, maintenant, là, voici au milieu de nous. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait maintenant. Au départ, vous avez suivi comment elle parlait. Il se pourrait même qu'en venant, elle ne savait même pas que ça allait arriver à ce niveau. C'est parce qu'elle ne connaissait pas. Tant qu'il n'y a pas la puissance qui confronte cela, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose. Comme celui-ci. S'il n'y a pas la puissance de Dieu pour aller à l'intérieur, bouleverser ce qui est à l'intérieur, il ne peut pas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voici notre soeur maintenant. Elle est libre de cet esprit-là. Je suis en train de la mettre au milieu de nous pour que nous comprenions que c'est ce genre d'esprit qu'on appelle dans les dénominations les prophétesses. C'est-à-dire que puisqu'elle parle quelque chose de Dieu, souvenez-vous, elle a dit quelque chose qui veut te bénisse. Vous savez que les démons priaient dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible déclare dans Saint-Marc au chapitre 5, les démons ont prié Jésus de lui permettre, de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. S'il vous plaît, pas de bruit. S'il vous plaît, pas de bruit. S'il vous plaît, pas de bruit. Que Dieu vous bénisse, vous qui distribuez les boissons. Donc maintenant, souvenez-vous, je ne peux dire que ce que la Bible a dit. Maintenant que tu as été délivré, va et ne pêche plus. Vous avez intérêt maintenant à entrer dans les Écritures, à prier véritablement. Souvenez-vous de là où on a commencé aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 4. Quand Satan est venu tenter Jésus, il n'a pas tenté une fois. Il a tenté. La Bible déclare qu'après avoir tenté de plusieurs manières, il est parti comme ça, cherchant une occasion favorable. Mais ils ne sont pas pris comme ça, ils ne sortent pas. On dit quand ils sortent, ils vont dans l'église, ils cherchent comme à retourner là où ils étaient d'abord. Donc ils ont intérêt à garder la place à l'intérieur, protégée par la parole du Seigneur. Donc le mari doit prendre son rôle de mari, chef de famille. Tu dois prendre ton rôle de mari, chef de famille, à ce que vous méditez ensemble. Maintenant, il faut qu'elle demeure dans la parole du Seigneur. Donc tu as la responsabilité maintenant de la conduire. Si tu as les enseignements, déjà tu peux. Si vous voulez venir à les enseignements, faites comme Dieu vous dirige. Mais surtout, demeurez dans le Seigneur. Demeurez dans la parole de Dieu, d'accord? Donc dès aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2014. Prenez un engagement nouveau devant le Seigneur. À le servir de façon déterminée. Nonobstant tout ce que les gens de famille vont dire. Ce n'est pas la famille qui est morte pour la croix pour vous. Quand vous souffrez, ce n'est pas la famille qui est en train de souffrir. Maintenant, comme on est en train de la délivrer, la famille n'est pas là. Et même si vous expliquez ça à la famille, on va croire que vous êtes fou. Mais pourtant, vous souffrez dans votre couple. Quand ça dégénère, là, ça peut arriver au couteau. Donc maintenant, vous allez vivre l'amour comme Dieu a voulu pour vous. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Arrête de marier, tout partez ensemble. Donc, courage, d'accord, frère? Courage, tu vas expérimenter les choses terribles durant des nuits maintenant, parce qu'on a touché le point. Tu vas expérimenter les choses terribles maintenant la nuit, donc tu vas savoir que quelque chose se passe. C'est terminé là-bas. Ça va, mon garçon? Donc, il fallait qu'on détache toutes ces choses-ci, n'est-ce pas? Il fallait qu'on détache ce qui est dans les pieds maintenant pour que le zèque que donne l'évangile puisse fonctionner véritablement. Donc, maintenant, là, c'est fort maintenant. Donc, l'un des artisans maintenant du réveil. Les voici, les combattants. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes venus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai dit que je vais parler avec toi après, d'accord? Donc, bon appétit encore. Que le Seigneur vous fortifie, d'accord, vos frères? Que le Seigneur vous fortifie. Tout ce que vous allez faire là, tout ce qu'on a de faire là, ce n'est que les entraînements. C'est pour que vous sachiez que nous avons une guerre à lutter. Nous avons un combat à faire. Et vous et moi, nous sommes dans le combat engagé ensemble, d'accord? Vous saisissez? Alors, ça, c'est les prémices. Maintenant, comment quelqu'un peut dire au nom de Jésus, il te commande de sortir et sort? Sur quoi tu te bases pour qu'il sorte? Si c'est dans la pensée, ça ne sortira pas. Il faut que ça soit commandé par l'esprit. C'est pour ça que lorsqu'on a des prières, faites attention avec ce qui peut sortir. Il ne s'agit pas seulement parce qu'on peut dire, hey, au nom de Jésus. Il se pourrait qu'on peut dire que touche le mur là. Touche le mur là, c'est un ordre. D'accord? Donc faites attention. Quand vous êtes au milieu, là, si on a envie de prier. Faites attention.